2h45, à tarde, às 4h15 e à noite, às 11h15. Arc-en-ciel. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping in more and more ways. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.

À l'écoute, on revient juste après ça. Un grand merci au monde, obrigado. Le dernier bal organisé par Radio Arc-en-Ciel le 13 avril dernier à la salle de Mendicion fut un réel succès. Foi sensacional. La direction de Radio Arc-en-Ciel vient par ce billet témoigner la reconnaissance et gratitude envers chacun de vous. Merci au conseil d'administration pour le choix et qualité du spectacle. Merci à tous nos animateurs pour l'aide à la diffusion. Merci à tous nos bénévoles, amis et familles de Radio Arc-en-Ciel pour leur implication et votre temps, mais surtout l'énergie. Merci au public fantastique et chaleureux. Tous, vous avez joué un rôle primordial dans le succès du bal de la Révolution des œillets. Bravo à José Baltazar pour l'excellent bailarin. Prévez à Georges Freire et son orchestre, sans oublier tout son staff et ses profs. Mais aussi un grand merci à tous nos partenaires et sponsors. Merci aux établissements Mariano à Semois, à Dop Speciality à Olivet, au restaurant au Grillo à Orléans, au Panier du Monde à Fleury-les-Aubrais, à l'hôtel des Trois-Vallées à Saran, à RPG International à Orléans, au restaurant Le Tamaris à Fleury-les-Aubrais, au restaurant Asodol Tipico à Fleury-les-Aubrais, à l'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais, au Cantine de Nossa Terre à Orléans-la-Source, à la DGACCP, à Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas. Merci également à nos sponsors, au bar-restaurant Le Brésilien à Saint-Jean-le-Blanc, à l'entreprise Sergio Dominguez à Termini, à DLP Plomberie à Châteauneuf-sur-Loire, au restaurant Polo et Marie à Fleury-les-Aubrais, à SMP Ravalement à Fleury-les-Aubrais, aux Amis du Bâtiment à Ingrid, tant au Ray du Pôle, à CIMAC à Saran, Aldora Construction à Saran, Baticasa 45 à Chingy, au Rélec à Orléans, MCR 45 à Saint-Denis-en-Val, l'entreprise Olivera à Olivet, la carrosserie Goncalves à Saint-Privé-Saint-Denis, la taxi Florindo à Pithiviers. Merci également à Carlos Miranda Souto pour le cadeau exceptionnel offert à Radio Arc-en-Ciel. À tous, un grand merci. A todos, un muito obrigado et un beignage. On se donne rendez-vous prochainement, le 6 et 7 juillet, pour la grande fête des saints populaires, la Festa dos Santos Populares. Muito obrigado et à très bref. Ciao. Reste à l'écoute, on revient juste après ça. Arc-en-Ciel.

arc-en-ciel. We'll be right back.

tous et vous toutes. Voilà donc les 13 heures passées de 30 minutes. Voilà donc eh bien le retour avec l'accordéon du dimanche après-midi. Eh bien, vous voyez, avec le temps qui fasse du soleil, qui pleut, mais l'accordéon est toujours présent pour vous faire plaisir. Voilà aussi, j'espère que vous avez passé une très bonne matinée avec, bien sûr, l'émission Le Téléphone Sonne entre 10h30 jusqu'à 12h30. Et bien sûr que vous allez le retrouver tout simplement, et bien, la semaine prochaine. Donc, eh bien, sans plus tarder, je vous laisse avec la valse et puis juste après, le tango. Eh bien, bon après-midi à vous tous et à vous toutes. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. fermant les yeux, je sens ton cœur qui bat. On est très heureux, nous faisons des projets. Ce soir je contre-joue, mais il reste secret, nous les gardons pour nous. Ce tango villageois, je le danse avec toi. Tu m'étais étranger, oui, tout a chaviré. Quand monsieur le destin unira nos deux cœurs sur le même chemin, alors ça c'est certain, ce sera le bonheur. Un instant de folie, tout à fait partagé, soudain nous envahit. Cette nuit d'été, mon corps sous tes caresses, alors c'est un soupir bercé par les promesses d'un amour qui fleurit. Ce tango villageois, je le danse avec toi. Tu m'étais étranger, puis tout a chaviré. Quand monsieur le destin unira nos deux cœurs sur le même chemin, alors ça c'est certain, ce sera le bonheur. à la romance d'Italie. Ouais. Olé, olé, olé, olá. Cette canzone remplie de joie, vos parisiennes, et c'est pourquoi on crie, on chante ce refrain-là. Olé, olé, olé, olá. Elle se danse à la romance d'Italie. Olé, olé, olé, olá. La plus grande de toutes les plus belles amours. Et oui, quand vient l'été, et tous en chœur, on va chanter. Olé, olé, olé, olá. Elle se danse à la romance d'Italie. Olé, olé, olé, olá. Cette mélodie aux mille couleurs qu'on aime bien. Olé, olé, olé, olá. C'est la fiesta et puis juste après la polka. Je me promène dans mon village. J'ai rencontré une fille en Alsace. Elle me raconte tout et je deviens fou quand elle me regarde avec ses yeux doux. Le reflet du ciel sur la mer illumine son regard qui rend belle cette Alsacienne. Si belle, c'est un amour qui ensoleille nos jours. Allez, parti! Laïla. Ma vie a changé et avec elle aujourd'hui je suis marié. Et ce grand amour qu'on vit tous les jours réveille en moi cette histoire d'autrefois. Ce n'est qu'une partie, un morceau de nous. Je n'ai pas tout dit de moi et Marie-Lou. Pourtant c'est ainsi, je n'ai pas menti. Croyez-moi, Marie-Lou m'a rendu fou. ciel. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Voici donc le Madison. Et puis juste après, un petit tour du côté de la Musette. Attaque le trombone, les danseurs s'élancent sur la piste de danse et ça chauffe l'ambiance. Et quand rentre le saxo, c'est là que fusent les bravos. Et là tous en ligne, on s'éclate, ça swing et l'accordéon donne le ton. C'est Madison, c'est Queen le Madison, c'est Chouette le Madison, c'est Chic le Madison. passer donc l'accordéon romantique et puis juste après on écoutera tout simplement la samba.

Voici donc la tarentelle. Et puis donc, juste après, du côté de la Java. je chante pour toi. C'est une java que j'ai écrit là-bas. C'est en pensant à toi que j'écris ces mots-là, tout en me promenant dans ces montagnes que j'aime tant. Je me laisse guider par mes pas, mes pensées, et sur ces ressentis, ton sourire va m'accompagner. C'est une java que je chante pour toi. C'est une java que j'ai écrit là-bas. Vous voudriez savoir, mais où c'est là-bas? Vous voudriez la voir. Qui est cette fille-là? Je peux bien vous le dire. C'est en Haute-Savoie, mais c'est un fils en vie. Je la garde pour moi. Java, Java, Java, Haute-Savoie. Java, Java, Java, elle est pour toi. C'est une Java que je chante pour toi. C'est une Java que j'ai écrit là-bas. Arc-en-ciel. à mort. Le chant d'espoir vit dans les soirs, vers toi s'élève. Maman, maman, maman, c'est ton amour qui jusque joue, berce mon rêve. Mais la nuit qui descend de le ciel vers une étoile, du corps caressant de la mer une voile, le cœur frémissant qui devant toi se dévoile, m'y redonne ton cœur, ce son corps. Amour, amour, quand un baiser m'est refusé, moi, je le porte. Oh, amour, amour, amour, si l'on attend pas très longtemps, l'amour s'en va, allez, monsieur Jean-Yves. La musette, et puis juste après, du côté de la marche. Thank you. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. adieu, terre d'Espagne, je reviendrai vers toi, berceau de mes premières amours. Adieu, à tes montagnes, je garderai le souvenir et reverrai plus tes séguédilles, tes joyeux boléros, et tes mantilles, tes brillants toreros. Adieu, terre d'Espagne, je fais serment de rester ton plus fidèle amant. Donc après, tout simplement, eh bien, l'Espagne, voici le country. Fantasia Sara. Granada, tierra ensangrentada, el carnet de tu rosa. Mujer que conserva el blufo de nosotros moros. Te sueño revela de gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de que me habla de amores. Granada, manona, cantada en coplas preciosas. No tengo de la cosa que darte un ramo de rosas. De rosas de suave fragrancia que die el alma a la vieja. Pour jouer de la trompette.

Arc-en-Ciel. C'est aussi ça. L'accordéon disco et puis juste après le passo. Thank you. Voici donc la samba et juste après la valse.

dessiné pour moi le début d'une histoire. Un pony fox guidé par le hasard peut durer toute la nuit, même s'il est un peu tard. Sous la boule de cristal, dans cette grande salle, il n'y avait plus que nous deux. Et c'était comme un jeu. Un pony fox, ça ne se refuse pas, surtout quand l'invitation vous met le cœur en joie. We'll be right back. We'll be right back. Arc-en-Ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voici donc bien le tcha-tcha. Et puis cette tout simplement bien ce morceau d'accordéon tout simplement pour dire tout simplement les émissions pour demain tout simplement qu'on sera déjà demain lundi. Voilà donc bien le matin à partir de 9h jusqu'à midi avec Lionel et puis dans l'après-midi à partir de 14h jusqu'à 19h avec Annabelle et puis juste après la soirée, tout simplement, à partir de 21h jusqu'à 23h, avec Rémi, avec, bien sûr, le sport. Et bien, puis nous, on se retrouve bien le dimanche aussi, mais on se retrouve aussi, tout simplement, le mardi après-midi, à partir de 13h30. qu'on a tant chanté avec la liberté revient d'actualité. Nous revivons tout joyeux les instants merveilleux si chers aux amoureux. Nous retrouvons comme un plaisir nouveau les petits ballons au bord de l'eau. Voici le retour des guinguettes à nos gens comme à Robinson. Toutes les vipères de la tête, on peut faire des conquêtes dans chaque buisson. La valse musette nous invite à chanter sa jolie chanson. C'est le cœur de Marie qui palpite quand on danse sans façon au son d'accordéon. Tous les cœurs battent gaiement sur le rythme charmant de notre petit vin blanc. On chante les frites, les chevrons, on retrouve les mois, les refrains d'autrefois. C'est lui que mon cœur a choisi sur les toits de Paris, près du faubourg Saint-Denis. Sans boniment et sans parler d'amour, on s'aimera quelques jours. Voici le retour des guinguettes à nos gens comme à Robinson. Toutes les filles perdent de la tête, on peut faire des conquêtes dans chaque buisson. La valse musette nous invite à chanter sa jolie chanson. C'est le cœur de Paris qui palpite quand on danse sans façon au son de l'accordéon. Nous invite à chanter sa jolie chanson. C'est le cœur de Paris qui palpite quand on danse en façon au son de l'accordéon. Voilà donc un autre morceau de Guinguette et puis cette chanson-là, Musette, qu'on va tout simplement se quitter. Et oui, donc il est déjà 15h50, et bien donc l'émission touche bien sûr à sa fin. Voilà donc, et bien j'espère que vous avez passé un bon moment avec l'accordéon, qu'on se retrouve et bien dimanche prochain. Et puis ainsi, on se retrouve mardi à partir de 13h30 avec bien sûr toutes les chansons pour faire plaisir. Voilà donc, et bien je vous dis bon soir à tous et aux toutes. Arc-en-Ciel. Thank you. 爱听我很不牛这大撒也够谁听和你可以都飞到未来你可把有的三个不会听给未来我可能会多来到我就告诉别人别别如你我爱把自卑有飞 E pronto, é assim que chegamos ao fim de mais um abraço da Madeira na Antena 1 e também na RDP Internacional Rádio Portugal. Síntese de notícias às 3 com Joana Carvalho Reis. O Presidente da República considera que uma eventual queixa do Chega faz parte da democracia. O partido de André Ventura quer avançar com uma ação criminal contra o Presidente. O Chega defende que o Presidente traiu a pátria com as declarações que fez sobre a necessidade de reparar as antigas colónias. Marcelo Rebelo de Sousa defende que cada partido é livre de avançar com as iniciativas que quiser. Vamos tentar ouvir estas declarações do Presidente da República acerca desta iniciativa do Chega. É a democracia, é assim. Quer dizer, cada um tem a iniciativa que entende que é aquela que é melhor naquele momento, seja eleitoral e, portanto, aproveitando o momento eleitoral ou não seja eleitoral. E não se pode travar isso. Nós estamos a celebrar 50 anos de democracia. Não é para introduzir ditaduras, é para manter a democracia. Presidente da República, que não quis fazer mais comentários à situação política do país, diz que não quer entrar na guerra dos partidos. Marcelo Rebelo de Sousa está a visitar a Ovibeja e foi lá que se cruzou com o candidato da Aliança Democrática às Europeias. Os jornalistas perguntaram ao Presidente que avaliação faz do cabeça de lista Sebastião Bugalho. Eu conheço há muito tempo e sou suspeito. Conheço e gosto dele, portanto, tudo o que dissesse era suspeito. Portanto, eu, para não ser suspeito, prefiro não ter opinião sobre. O Presidente lembrou também que hoje está de visita à mesma.